Et qu'est-ce que vous faisiez des cochons une fois qu'ils étaient grands? Ben, un, on le mettait dans la marmite, quoi. Et l'autre, on le vendait. Dans le saloir. Oui. Ah oui. Ouais, tu savais, tu prépares avec du pâté, dans le sel. Du sel. Et autrement, est-ce que vous faisiez des conserves aussi avec la viande du cochon? Il n'y a pas de congélateur, il n'y avait rien. Non. Donc, on mettait ça tout dans le gros sel. Du pâté. Du pâté. Et quand le pâté était cuit, on envoyait un morceau de viande à le voisin un peu plus loin, Ouais. à Grubletter, à Boudalen. Et puis il est autour, quoi. Ouais. Il y avait un partage, donc Oui, entre donc le quand cochon eux, tous, et et le cochon, il ramenait aussi. Oui, ce n'est pareil. Ouais, c'est ça.